بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في سيرة أنبياء الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va commencer, continuer sans plus attendre sur notre étude concernant la vie de prophètes et d'envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de certaines histoires qui nous sont relatées dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans la dernière assise, on avait fini d'évoquer certains faits et événements qui s'étaient produits, qui faisaient partie de l'histoire de Daoud, du prophète Daoud, alayhi salam. Ce prophète, comme on avait dit précédemment, dont Allah, jalla wa ala, l'avait comblé de bienfaits inestimables et exceptionnels. Donc on avait dit parmi les qualités, les caractéristiques, les particularités de ce prophète, de Daoud, alayhi salam, dont Allah Jalla wa'ala fait l'éloge dans le Coran de Daoud, alayhi salam, que la paix soit sur lui, Allah l'a comblé de bienfaits exceptionnels, en l'occurrence le règne, le pouvoir et la prophétie. Mais aussi du savoir, de l'ilm, de la hikmah, mais aussi de ce qu'on appelle fasl al-khitab, comme on avait dit, dans l'art de pouvoir juger dans les affaires des gens. Pour cela, on avait dit que les gens revenaient à son époque à Daoud pour qu'ils jugent entre eux lorsqu'ils étaient dans des conflits ou lorsqu'il y avait des différends entre eux. Donc on avait dit que Daoud, alayhi salam, parmi les leçons à tirer de cette histoire, il y a une grande leçon à tirer, donc il y a de nombreuses leçons à tirer, de nombreux enseignements à tirer, mais les savants nous relate parmi ces grandes leçons à tirer. Vous pouvez retrouver cela dans Fikutub et Tafasir, dans les livres d'exégèse, lorsqu'ils interprètent les versets, justement, et lorsque les savants nous expliquent les versets concernant Daoud, alayhi salam. Donc, parmi les leçons, les savants citent que وَمِمَّا يُسْتَفَدْ مِنْ قِصَّةِ دَاوُدْ. Donc, parmi les choses qu'on profite, parmi les enseignements profitables qu'on tire à travers l'histoire du prophète Daoud alayhi salam, an al-'abd idha razaqahu Allah 'azza wa jalla ni'matan fasta'malaha fi ta'ati Allah jalla wa 'ala lahu fiha wa zadahu min khayriha. Fa Daoud alayhi salam lamma istamala quwwatahu fi i'zaz ad-din wa kathrat al-'ibadati wa at-ta'ah alana Allah 'azza wa jalla alana Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-hadid. Et donc, les savants nous disent que parmi ces grands enseignements à tirer, c'est que on se rend compte que lorsque le serviteur, Allah Jalla wa Ala, le comble de bienfaits, s'il utilise ces bienfaits-là, si le serviteur utilise ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui rajoutera du bien. Et ça, on peut tirer cela de l'histoire de Daoud, alors que Allah Jalla wa Ala a comblé Daoud de bienfaits et Daoud était reconnaissant. Non seulement il était reconnaissant, Daoud, c'était un exemple et un modèle de reconnaissance et de remerciement, de gratitude, mais non seulement aussi c'était un exemple dans le fait d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance à Allah et dans l'adoration fil ibadat. Et donc, c'est pour ça, c'est une leçon pour tous les croyants. Lorsque le croyant se voit comblé de bienfaits, s'il utilise ses bienfaits dans l'obéissance à Allah, dans son adoration, Allah Jalla wa Ala lui rajoutera en bien. Donc, il aura un surplus de bien lui venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit par exemple que Daoud, à travers l'étude de son histoire, lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'a comblé de ce bienfait qui est la capacité, la force, et il utilisa cela, fi i'zaz ad-din, dans le fait de donner la gloire, dans le fait de faire triompher plutôt la religion, et dans كثرة العبادة et dans le fait d'être fervent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son obéissance, Allah lui avait adouci le fer. Puisqu'on a dit parmi les particularités du prophète Daoud, alayhi salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait adouci le fer, de sorte que Daoud avait cette capacité de pouvoir travailler le fer. C'est pour ça qu'on avait dit que c'était le premier, comme les exégèses racontent, les historiens, les spécialistes nous enseignent que Daoud était le premier à avoir fabriqué des cuirasses. Et donc Daoud, Allah jalla wa ala, lui avait adouci le fer de sorte que le fer était ramolli pour lui. Et comme on avait dit, comme on dit des anciens prédécesseurs, disaient que Daoud pouvait travailler le fer sans qu'il ait recours au feu ni au marteau. Et donc ça faisait partie des faveurs et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète. Et donc on voit que Daoud était un exemple même d'utiliser tous ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration. Et ça, c'est un exemple pour tous les croyants qui viendront, pour toutes les générations prochaines. C'est pour cela que les exemples, les histoires qui nous sont relatées dans le Coran, ce n'est pas en vain, mais il y a des grandes sagesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a enseigné ces histoires dans le Coran, c'est pour que les croyants tirent leçon de ces histoires et tire ses enseignements profitables. Et donc le fait de prendre comme modèle et exemple les prophètes et les messagers. Et donc c'était des exemples de piété. En l'occurrence, regardez Daoud, tous ses biens qu'Allah Jalla wa'ala lui a donnés, c'était un exemple. Et Daoud s'est distingué par rapport à de nombreux prophètes avant lui, du fait que Daoud a été comblé de bienfaits que personne d'autre avant lui avait obtenus comme bienfait. C'est pour cela que Daoud, son histoire est exceptionnelle. Et bien tous ses bienfaits, les utiliser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que son jeûne et sa prière jusqu'à aujourd'hui est évoqué. Et son jeûne était le meilleur jeûne, le jeûne le plus aimé auprès d'Allah, comme on a mentionné cela dans la dernière assise. Et sa prière aussi s'est distinguée du fait que c'est la prière la plus aimée d'Allah, et ça par le témoignage de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallam nous dit dans un hadith, le jeûne le plus aimé auprès d'Allah, c'est le jeûne de Daoud. Et la prière la plus aimée auprès d'Allah, c'est la prière de Daoud. Donc regardez, il s'est distingué par rapport à ces adorations-là. Donc c'était un serviteur fervent, reconnaissant et dévot. Et Allah Jalla wa Ala ensuite nous informe dans le Coran, wa wahabana li Daoud à Suleyman. Il va donner à Daoud, à son prophète parmi les bienfaits, un enfant qui est Suleyman. Et c'est cet enfant-là qui héritera de Suleyman. Et vous avez dû comprendre, lorsqu'on parle d'héritage, les prophètes n'ont pas laissé derrière eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, de biens mondains. Mais lorsqu'il est dit héritage, et lorsqu'on parle d'héritage, lorsqu'on parle de prophète, on parle de la prophétie. Et celui qui a hérité de la prophétie de Daoud, alayhi salam, c'est son fils Suleyman, alayhi salam. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, wa wahabana li Daoud à Suleyman, ni'mal 'abd innahu awwab. Et donc là, on va parler maintenant de la vie, de l'histoire de Suleyman, d'un autre prophète et envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence le fils de Daoud. Donc, comme on l'a dit précédemment, Allah, Jalla wa Ala, a donné Suleyman à Daoud. Et ça, ça fait partie des faveurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah fait l'éloge de Suleyman en disant « Ni'am al-abd, quel bon serviteur il était ». Innahu awwab. Donc Suleyman, Allah Jalla wa Ala, nous informe à son sujet. Et donc dans ce verset, on a cette information qu'il était ni'am al-abd, quel bon serviteur. Et dans l'exégèse, قال ibn Kathir rahimahullah ta'ala mukhbiran anna Allah azza wa jalla ta'ala mukhbiran yaqul mukhbiran annahu wahaba li Daoud Suleyman ay نبيا وورث سليمان داود وورث سليمان داود. Et donc comme on a dit précédemment, Ibn Kathir va confirmer ce fait que Suleyman, ce qu'il a hérité de son père, c'est la prophétie. Et donc, l'héritier de Suleyman, pardon, de Daoud, c'était Suleyman. Comme nous relate cela, Kazalik Ibn Kathir, tiré du verset. Pourquoi? Parce que dans un autre verset, dans Sourate An-Naml, le verset 16, Allah nous dit: Wa waritha Suleymanu Daoud. Et Suleyman a hérité de Daoud. Et donc le verset là est clair que Suleyman est donc l'héritier de Daoud. Mais l'héritier de quoi? Ay, finnubuwa, de la prophétie. De la prophétie. Pourquoi? Parce qu'Ibn Kathir va nous relater, va nous dire: Wa illa faqad kana lahu banun ghayruhu fa innahu kana 'indahu mi'ata imra'a harair wa qawluhu ta'ala ni'am al-'abd innahu awwab thana'un 'ala Sulayman bi annahu kathir at-ta'a wal-'ibadati wal-inabati ila Allah 'azza wa jalla. Et donc, comme on l'a dit précédemment, Suleyman, ce qu'il a hérité de Daoud, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que, comme nous disent les savants, les spécialistes, ils nous disent qu'en réalité, Daoud a eu de nombreux enfants. Falaou Banoun. Il a eu d'autres enfants. D'autres enfants, plutôt, que Suleyman. Fa'inahu kana 'indahu mi'at imra'a. Pourquoi? Parce que les exégèses relatent qu'il avait kana 'indahu des centaines de femmes. Et donc, et ça fait partie des choses dont Allah l'a comblé. Donc, vous savez, il y a des choses qui étaient permises dans les anciennes législations de prophètes anciens qui sont parfois plus permises dans notre législation. Donc, des choses qui étaient permises avant peuvent ne plus être permises dans la législation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, certains prophètes avant, dans les temps anciens, il y avait des choses qui, à eux, leur étaient permises. Et donc, leur législation ne leur interdisait pas. L'important ici, c'est que donc Daoud a eu d'autres enfants. Mais celui qui a hérité la prophétie de Daoud, donc c'est Suleyman. Et c'est pour ça qu'on parlera de l'histoire de Suleyman. Et en l'occurrence, on a dit qu'Allah Jalla dit au sujet de Suleyman dans le Coran: Ni'mal 'abd innahu awwab. Donc Allah fait l'éloge de Suleyman, du fils de Daoud. Et lorsqu'il est dit Ni'mal 'abd innahu awwab, cet éloge-là dans le sens que Suleyman aussi était fervent dans l'obéissance de son Seigneur et dans l'adoration. Et aussi connu pour son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, sa pleine rémission envers Allah subhanahu jalla subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud aussi cette capacité de pouvoir juger. Hukman, comme l'avait son père Daoud, lui aussi il a hérité de cela. Wa ilman, et Allah Jalla wa Ala aussi avait donné un certain savoir à Suleyman. Donc comme son père, Suleyman était doté d'une sagesse, d'un savoir dans le jugement et aussi d'une grande science. Allah l'a doté de cela. Et comme Allah Jalla wa Ala dit, wa kullan atayna hukman wa ilma. Et on leur a donné, octroyé le hukman, le fait de pouvoir juger, wa ilman, et un grand savoir. Et pour cela, il nous est relaté pour ce qui est de la sagacité du jugement, qu'Allah Jalla wa Ala, comme on l'a dit, a fait l'éloge à lui, à Suleyman et à son père. Et à son père. Et on a justement un passage dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, une traduction rapprochée des sens du verset: Et Daoud et Suleyman, quand ils eurent jugé, et Daoud et Suleyman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé, où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit. Et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Suleyman, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes les faiseurs. Donc regardez, c'est une traduction approximative des versets dans la sourate les prophètes, sourate l'Anbiya, dans la sourate Al-Anbiya, le verset 78-79. Wa Daoud wa Suleyman, idh yahkuman fil harth, إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Et donc, ce que j'ai lu précédemment, c'était la traduction de ce verset. Wa Daoud wa Sulayman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamu al-qawm wa kunna li hukmihim shahidin. Et Daoud et Sulayman, lorsqu'ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé ou des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit. Et Allah dit, et nous étions témoins de leur jugement. C'est-à-dire, ce verset ensuite nous a été expliqué, l'histoire. C'est-à-dire, comme a relaté Ibn Kathir, وَقَدْ ذَكَرَ شُرَيْحَ الْقَاضِي وَغَيْرُ وَاحِدْ مِنَ السَّلَفِ. Ibn Kathir relate que Al-Qadi, Shuraih, ainsi que d'autres pieux anciens ont rapporté que cette tribu, qui est mentionnée dans le verset, avait un champ de vignobles. Et que des moutons appartenant à une autre tribu entrèrent dans ce champ, et cela durant la nuit. Et donc, ils broutèrent toute la végétation. Alors les deux tribus se rendirent auprès de Daoud et demandèrent son arbitrage. Comme on a dit, Daoud, donc Allah Jalla Wala lui avait donné cette faculté, ce pouvoir de pouvoir juger entre les gens. Et donc les gens revenaient à Daoud pour qu'il arbitre. Alors, ces deux tribus se rendirent auprès de Daoud et demandèrent son arbitrage. Et Daoud, alayhi salam, que la paix soit sur lui, alors décréta que le troupeau deviendrait propriété de ceux dont le champ a été ravagé. Dont le champ a été ravagé. Ensuite, lorsqu'ils quittèrent Daoud, les antagonistes, l'autre partie, rencontrèrent Sulayman, qui leur demanda quel était le jugement du prophète d'Allah, c'est-à-dire le jugement de Daoud. Alors, ils leur informèrent quel était le jugement de Daoud. Et là, Sulayman dit alors, comme c'est relaté dans l'histoire, « Si c'était moi qui avais jugé, j'aurais décrété que le troupeau soit provisoirement confié au propriétaire du champ à titre d'usufruit et que les coupables irrigue le champ jusqu'à ce qu'il redevienne comme il l'était auparavant. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient reprendre leur troupeau. » Et ça, c'était le jugement donc de Sulayman. Daoud, lorsqu'il fut informé de ce jugement, il est rapporté qu'il a adopté le jugement de Sulayman et le prononça. Et le prononça. Et donc, regardez, c'est pour cela que à la fin du verset, Allah Jalla wa Ala nous dit wa kullan atayna hukman wa ilma. Une traduction approximative du sens du verset, et Allah nous dit et tous à tous deux nous avons donné la faculté, nous leur donnâmes la faculté de juger et ainsi nous leur donnâmes le savoir aussi. Donc Allah Jalla wa Ala nous dit qu'à tous deux il leur a donné la faculté de juger, ce qu'on appelle al-hukm, hukman wa ilman. Et donc ça fait partie des grâces d'Allah. Donc Sulayman aussi a été doté de cette faculté-là de pouvoir juger. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate justement dans les deux authentiques. On a un récit qui est rapporté dans les deux authentiques que بينما امرأة معهما ابنهما nous a rapporté tandis que deux femmes. Donc le prophète ensemble nous relate cette histoire et cela dans les deux recueils authentiques. Et ce hadith est rapporté d'après Abu Hurayra que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tandis que deux femmes se trouvaient dans la forêt avec leurs bébés respectifs. بينما امرأة معهما ابنهما إذ عاد الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازع في الآخر فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود فحكم به للكبرى فخرجنا على سليمان فقال ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها. Et donc dans ce hadith, le prophète sallam nous dit: tandis que deux femmes se trouvaient dans la forêt avec leurs bébés respectifs, le loup prit le bébé de l'une d'elles et le dévora. Et le dévora. إذا عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازع في الآخر. Alors lorsque le loup a pris l'un des deux bébés, alors les deux femmes ensuite se mirent à se disputer. Alors sur le bébé qui était resté vivant. Elles se disputèrent alors sur le bébé restant vivant. Et chacune prétendant qu'il était le sien. Alors ensuite elles demandèrent, le prophète Hassan nous informe qu'elles ont demandé le jugement, l'arbitrage de Suleyman, qui leur dit, et on a dans notre version du récit, dans la version de Al-Bukhari, qu'ils demandèrent à Daoud d'abord. Que d'abord, avant de demander à Suleyman, on a la version du récit, qu'ils demandèrent à Daoud. كما قال فتحاكم إلى داود فحاكم به للكبرى. Et que Daoud alors aurait donné raison à la plus grande. Et ils ont demandé, et dans le récit aussi, ils ont demandé l'arbitrage de Suleyman, qui leur dit apportez-moi un couteau. Donc lorsqu'ils demandèrent l'arbitrage de Suleyman, lui il dit aux deux femmes apportez-moi un couteau. Ou plutôt il a demandé qu'on apporte un couteau. Ensuite, il a dit aux deux femmes, s'adresse à eux, pour que je le découpe en deux parties. Donc il a dit, je vais prendre le bébé, je vais le découper en deux parties, ainsi chacune de vous en prendra une. Chacune de vous aura une partie. En quelque sorte, comme ça, il n'y aura pas de dispute. Et donc à ce moment-là, la plus jeune des deux femmes a dit, ne fais pas cela, qu'Allah te fasse miséricorde. C'est son fils à elle. Et Suleyman jugea alors en sa faveur. Et donc regardez la perspicacité de Suleyman. Lorsqu'il leur a dit « Rapportez-moi un couteau, je couperai l'enfant en deux et chacune d'entre vous prendra une partie. » Et c'est la jeune femme ensuite qui a dit « Non, ne fais pas ça, qu'Allah t'accorde ta miséricorde, sa miséricorde, c'est son fils à elle. » Et donc lui, Suleyman, il a décidé de donner raison et l'a jugé en raison de la fille, la plus jeune des deux, qui lui avait dit « Non, ne fais pas ça. » Pourquoi ? Parce que Suleyman savait que celle qui allait s'inquiéter pour l'enfant, ça serait la mère. Donc, comme il est dit, on voit que Suleyman, Allah Jalla wa Ala, lui a fait l'éloge dans le Coran. Et donc, il avait, comme son père a eu l'éloge aussi, ils avaient cette faculté de juger, d'avoir un bon jugement. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset « Et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. » Donc parmi leurs facultés, les bienfaits qu'avait Suleyman aussi, comme son père Daoud, la faculté de juger et le savoir, comme on a dit précédemment. Mais ce n'est pas tout. Allah nous dit aussi « Et nous asservîmes les montagnes à glorifier notre gloire en compagnie de Daoud ainsi que les oiseaux. » Et là, Allah nous informe dans ce verset qu'il a mis au service de Daoud, c'est-à-dire Allah a servi les montagnes et les montagnes glorifient Allah en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux. Donc les oiseaux et les montagnes, ils glorifient Allah en cela et en cela en compagnie de Daoud. Et Allah dit, et c'est nous qui sommes les faiseurs. Et Allah continue dans le verset en nous disant, et nous lui apprime la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissant ? Donc regardez ça, c'est les mérites qui nous est relaté dans le verset pour Daoud. Et Suleyman héritera de cela. Pour ça, dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, dans une traduction approchée, au sujet de Suleyman, et nous avons soumis à Suleyman le vent. Le vent. Et Allah, justement, avait mis au service de Suleyman le vent. De sorte, Allah nous dit, et nous avons soumit à Suleyman le vent impétueux, qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir, et parmi les diables, il en était qu'il plongeait pour lui et faisait d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, au sujet de Suleyman, que le vent était au service de Suleyman. Donc Suleyman, Allah Jalla wa Ala l'avait aussi doté de nombreux bienfaits, que personne d'autre avant lui n'avait été comblé de ses bienfaits. Allah, par exemple, nous dit « Wa li Suleyman ar-riha ghuduhuha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu ayn al-qitr wa asalna lahu ayn al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yaday bi idhni rabbih wa man yazi' minhum an amrina nudhiquhu min adhab as-sagir » يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Regardez dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, une traduction approchée, et nous lui assujettîmes alors le vent. Le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes, voilà notre don, distribue-le ou retiens-le, sans avoir à en rendre compte, et il a une place rapprochée auprès de nous et un beau refuge. Donc ça faisait regarder parmi des bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala a octroyés à Suleyman. Et en ce qui concerne, donc ça, c'était la traduction d'un autre verset, mais en ce qui concerne le verset que je viens de dire en arabe, sa traduction approchée, c'est que Allah Jalla wa Ala nous dit « Wa li Suleyman ar-riha ghuduhuha shahr wa rawahuha shahr » et à Suleyman, nous soumîmes le vent qui se mit à parcourir le matin la distance d'un mois de marche et autant le soir dans le sens contraire. Et autant le soir dans le sens contraire. Wa li Suleyman ar-riha ghuduhuha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu ayn al-qitr. Et Allah ensuite nous dit, et nous fîmes jaillir pour lui la source qu'on appelle ayn al-qitr. Wa min al-jinni man ya'malu bayna yaday bi'izni rabbi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe aussi dans ce verset, par ordre de son Seigneur, les djinns étaient affectés à son service. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait mis les djinns au service de Suleyman. C'est pour cela qu'ils exécutaient les djinns tout ce que Suleyman leur ordonnait. Et Allah nous dit dans le verset « Wa man yazir minhum an amrina nudhiquhu min adhab as-sagir » et celui d'entre eux, parmi ces djinns, et nous aurions fait goûter le châtiment du feu à quiconque parmi eux se serait soustrait à notre ordre. Allah Jalla wa Ala nous dit. Et ils fabriquaient donc, ces djinns-là, ils fabriquaient pour Suleyman ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans le verset, il fabriquait pour Suleyman ce qu'il voulait, en fait de sanctuaires, de statues et autres, que ce soit des maharib, et les savants dans l'exégèse ont expliqué ces termes, que ce soit des tamathil, wa jifanin kaljawabi, wa qudur al-rasiyat. Et Allah ensuite dit, i'malu ala daoud ashukra, i'malu, travaillez aux gens de Daoud, la famille de Daoud, et rendrai grâce au Seigneur. Car peu de mes serviteurs sont reconnaissants, Allah Jalla wa Ala nous dit. Et donc, Suleyman, comme on l'a dit précédemment, et comme vous avez pu voir à travers l'étude de ces versets, Allah Jalla wa Ala avait mis à son service le vent. Il a mis à son service les djinns. Les djinns travaillaient pour Suleyman, même les shayatins, même les diables. Est au service de Suleyman. يَعْمَلُونَ لَهُ الْأَعْمَالَ الْفَخْمَةَ بِحَسَبْ إِرَادَتِهِ. Il faisait tout ce que Suleyman leur disait. Et Suleyman pouvait ordonner au vent de souffler fort comme de souffler doucement. et le vent donc s'exécutait. Et donc tout cela, Allah Jalla wa Ala l'avait mis au service de Sulayman alayhi salam. Que la paix soit sur lui. Et donc, c'est pour cela que قال الشيخ سعدي دي سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره رخاء أي بسهولة حيث أراد حيث أراد. Et comme nous explique le Cheikh Saadi, qu'Allah Jalla wa Ala avait mis au service de Suleyman le vent. Tajri bi amrihi, qui soufflait par son ordre. Wa tadbirihi. Et cela bi suhulatin haythu arada. Ghuduhuha wa rawahuha shahr. Wa sakhara Allahu lahu al-jinn. Wa shayatin. Wa al-ghafarit. Ya'maluna lahu al-a'mal. Al-fakhma bi hasab. إرادته يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور كالجواب وقدور الراسيات كما قلنا comme on avait vu dans le verset. Aussi nous est rapporté de Suleyman qui délaissa les chevaux. Il a délaissé les chevaux et cela par l'amour, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela Allah lui compensa cela en lui soumettant justement le vent. Et le vent, comme vous savez, était plus rapide et plus puissant que les chevaux. Et qui n'hésitait aucun investissement, ça nécessitait aucun investissement, comme le dit Ibn Kathir. Donc regardez, Suleyman, comme il est rapporté dans son histoire, il avait délaissé les chevaux. Et en récompense, pour compenser cela, Allah lui a mis le vent à sa disposition. Et le vent était plus rapide et plus puissant que les chevaux. Et donc, il nous est dit que cela nécessitait nécessité aucun investissement. Et pour cela, on rapporte que Suleyman avait un immense tapis en bois qui pouvait supporter tout ce dont il avait besoin comme maison, palais, tente, meubles, chevaux, chameaux, soldats parmi les humains et les djinns, sans compter les animaux et d'autres espèces et ainsi que les oiseaux. Et lorsqu'il voulait voyager, ou partir en campagne, au service d'Allah, il prenait tout ce dont il avait besoin, yani Suleyman. Puis il ordonnait au vent de souffler de façon à ce que le tapis s'élève dans l'air. Et il est relaté qu'une fois que le tapis était suspendu entre ciel et terre, alors il lui ordonnait de souffler modérément. Et lorsqu'il voulait aller plus vite, il ordonnait au vent, il lui ordonnait à la tempête de se lever. Et celle-ci l'emmenait à une vitesse prodigieuse là où il désirait. Et c'est ainsi qu'il pouvait quitter au début du jour Jérusalem, aller dans des contrées lointaines. Il pouvait de Jérusalem aller dans des contrées à distance d'un mois de marche. Et il restait jusqu'à la fin de la journée, il revenait ensuite de la même façon vers Jérusalem. Comme ça nous est relaté dans l'histoire, comme c'est relaté par de grands savants comme Ibn Kathir. Et justement, à ce sujet, il y a le verset qu'on a cité tout à l'heure. Le verset, justement, le verset 12 et 13 qu'on a cité tout à l'heure, que je vous ai lu en arabe, de la sourate 34. Lorsqu'on a dit que Allah Jalla wa Ala a dit « Et à Suleyman, nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche et le parcours du soir à un mois aussi. » Et puis, nous avons fait couler la source de cuivre. Il y en a qui disent « Ayn al-Qitr » que c'est une source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient pour ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter un châtiment de la fournaise, ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, comme sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude, alors qu'il y en a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Une traduction approchée du verset 12 et 13 à la sourate 34, comme on a lu dans ce qui a précédé ces versets en arabe. Et donc c'est pour cela que Al-Hassan al-Basri, il disait que Suleyman, il pouvait parfois partait de Damas vers d'autres contrées, ou parfois qui étaient lointaines, il déjeunait, puis il continuait jusqu'à Kaboul, où il passait la nuit, et entre Et entre Damas et ces contrées-là, parfois, il y avait une distance d'un mois de marche. Et ils pouvaient les parcourir dans un temps restreint. Cela dit, donc, les savants ont mentionné beaucoup de choses concernant les pouvoirs qu'Allah Jalla avait donné à Daoud, c'est-à-dire que Allah Jalla avait mis sous sa yani sakhara Allahu lahu ar-rih. Allah lui avait mis à son service, comme on a dit précédemment, le vent, les shayatines, les djinns et autres. Et pour cela, Daoud même entendait, comprenait la langue des animaux. Daoud comprenait la langue des animaux, comme on va voir dans l'histoire de la fourmi. L'histoire de la fourmi, lorsqu'un jour elle vit Suleyman venir avec toute son armée de soldats, d'hommes, de djinns et d'autres parmi les animaux, et là une fourmi dit aux autres fourmis, faites attention, protégez-vous, car sinon ils pourraient vous écraser sans le savoir. Et Suleyman avait entendu justement la parole, les paroles de cette fourmi, les paroles de cette fourmi, et il avait remercié Allah pour cela. Et aussi, il nous est rapporté aussi que il entendit aussi une fourmi lorsqu'elle implora Allah subhanahu wa ta'ala, comme on verra dans ce qui viendra, inshallah. Et en ce qui concerne la source de cuivre qu'on a citée tout à l'heure, qui est mentionnée à Ayn al-Qitr, dans le Coran, certains exégètes rapportent de Qatada, qui était une sommité, une référence dans l'explication des versets du Coran, a dit qu'elle se trouve au Yémen, cette source de cuivre, et Allah l'a fait surgir pour Suleyman. Donc ça faisait partie aussi des bienfaits qu'Allah, Jalla wa'ala, dont Allah a comblé Suleyman. Et As-Suddi a dit qu'elle coulait durant 3 jours seulement, le temps que Suleyman prenne ce dont il avait besoin pour ses constructions. Et pour cela, Allah Jalla wa Ala donc nous dit, en ce qui concerne, comme on l'a appris tout à l'heure dans le verset, que aussi bien les djinns faisaient ce qu'ils voulaient, ils travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Et Allah donc avait mis les djinns qui accomplissaient toutes sortes de besognes, sans connaître de faiblesse et sans rechigner à la tâche, sans qu'ils se plaignent. Ceux qui désobéissaient à ses ordres, Allah leur réservait un châtiment humiliant. Et donc les djinns étaient au service de Suleyman. Donc je vous relate cela, ces passages qu'il y a dans le Coran, et ces bienfaits dont Allah avait comblé Suleyman, pour qu'on s'imagine, regardez, tous ces bienfaits qu'Allah Jalla wa'ala lui avait donnés. Et donc Suleyman a eu, Allah l'a comblé de bienfaits que beaucoup d'autres avant lui n'ont pas eu. Et bien Suleyman, parmi les leçons à tirer, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et comme son père, Daoud, c'était des exemples dans l'adoration, dans la ferveur, dans la dévotion et dans le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalalu. Et Al-Bukhari, justement, l'imam Al-Bukhari nous rapporte. Il nous rapporte d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un djinn redoutable s'est manifesté à moi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, parle de lui. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous relate qu'un jour un djinn redoutable s'était manifesté à lui. Il dit hier, et a voulu s'interposer entre moi et ma prière. Mais Allah m'a permis de le maîtriser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, alors que ce shaitan, ce diable, ce djinn plutôt redoutable, s'est manifesté à lui et a voulu s'interposer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa prière, Allah avait permis au prophète de pouvoir le maîtriser. Donc le prophète l'a maîtrisé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je l'ai pris et j'ai voulu l'enchaîner à une colonne de la mosquée, afin que vous le voyiez tous. Donc le prophète nous relate qu'il a voulu ensuite, lorsqu'il a pris ce djinn, il a voulu l'enchaîner à une colonne de la mosquée pour qu'ensuite les compagnons puissent le voir. Il leur dit pour que vous le voyez tous. Mais regardez, le prophète ensuite a dit, je me suis souvenu de l'invocation de mon frère Suleyman. Regardez, et tous les prophètes étaient frères. Et là, le prophète va nous parler de l'invocation de Suleyman. lorsque Suleyman dit: Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Regardez, Suleyman, lorsqu'il implore Allah, il demanda le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Et pour cela, alors le prophète Zem dit: Je l'ai chassé. Et cela par rapport à l'invocation de Suleyman. À l'invocation de Suleyman, le prophète ensuite l'a chassé, a chassé celui-ci. Voilà, Inch'Allah, on va s'arrêter sur cette assise, Inch'Allah. Bidhnillah, si Allah nous le permet, on continuera dans la prochaine assise sur d'autres événements. Donc là, on a parlé des vertus, des mérites de Suleyman, ainsi que de certains bienfaits dont Allah Jalla l'avait comblé, hein, l'avait comblé de ces bienfaits-là, et certains mérites. Et dans la prochaine assise, Bidhnillah, avec l'aide d'Allah, on parlera de certains faits et événements qui se sont produits à l'époque de Suleyman. عليه السلام والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك